Lecture du texte de Berthold que j'ai déjà reçu à quelques reprises là, sur ma chaîne de YouTube pour l'interviewer. Et d'ailleurs, sur cette dernière, là, je présente des capsules audio de lui en solo. Donc, il a écrit un texte qui s'intitule « La COVID-19 est mise en scène comme un récit de science-fiction d'horreur de Lovecraft ». Donc, j'en fais à présent la lecture. Vous allez pouvoir le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de la page de cet enregistrement là, YouTube. Donc, si vous avez envie de lire là, par vous-même. Donc, ici, il référence dans le cadre de son article à Lovecraft. Donc, plus précisément, Howard Phillips Lovecraft, qui est un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques d'horreur et de science-fiction. Donc, je commence maintenant la lecture du texte de Berthold. Nous vivons dans un monde de science-fiction au sens où la spiritualité, en partie fictive, vient voiler des sciences concrètes. J'ai repensé aux réactions collectives d'une masse, la peur, etc. Une sorte d'étude, si on peut dire. Je repensais au côté cinématographique de la mise en scène de l'information. Je repensais aussi au fait que face au cinéma, je n'avais jamais eu les mêmes réactions que le public en général au niveau de l'appréciation et des attentes. Les films que j'aime sont tous des flops et des échecs, et les films que je trouve souvent ordinaires ont un grand succès. Je repensais au film Alien, que j'avais trouvé mauvais et moralisateur. Les protagonistes sont mis en danger à cause de leur travail pour une compagnie, critique du capitalisme, le monstre qui est censé nous faire peur est une femelle qui pénètre et fait accoucher les hommes, monstre progressiste. Et bien entendu, son seul obstacle doit être une femelle comme elle. Un film que j'avais vu très jeune et que j'avais adoré a été un flop monumental, c'est The Thing de John Carpenter. Un des rares films de science-fiction que j'ai vraiment aimé dans The Thing, c'est la paranoïa et la peur d'être contaminé par l'autre, le centre de l'intrigue, et ça se passe sur Terre. C'est beaucoup, beaucoup plus parlant pour moi. On ne voit jamais The Thing, car il est métamorphe et transitif. On ne voit que ce qu'il fait, et il est ce qu'il fait aux chairs et à la matière. Le public n'a pas aimé du tout, c'est sûr. Carpenter n'est pas politisé. Il a une notion métaphysique du mal en tant que force naturelle présente sans raison au sens psychologique humain du terme. Quand dans le film, la chose se dévoile au grand jour dans le chenil, c'est qu'il a déjà contaminé un humain. Ça, je le savais à 8 ans en regardant le film, et je savais aussi qu'il a gagné dès le début du film, car c'est une partie d'échec et les personnages ne peuvent rien faire, d'où ce que j'appellerais la lucidité en fiction de Carpenter, qui ne sait pas ce qu'est totalement l'homme, mais sait par intuition ce qu'il n'est pas. L'homme actuel est défini par ses limitations. En repensant aussi à la notion de terreur cosmique chez H.P. Lovecraft, le plus ancien des sentiments humains, pour ne pas dire animal, c'est la peur. Une des peurs de l'homme, c'est le changement, d'où la peur d'être remplacé par autre chose, de plus évoluer, donc quelque chose d'une peur de changer, d'évoluer, de quitter l'animalité psycho-affective, comme dans The Midwitch Cuckoos. Donc, ici, il fait référence, j'ouvre une parenthèse, à l'œuvre de science-fiction sur le plan du roman, donc le village des damnés, qui a été écrit par John Wyndham et publié en 1957. Donc, je referme la parenthèse. The Midwitch Cuckoos, les enfants deviennent dangereux pour se défendre face à une population apeurée qui les force à se défendre pour survivre. Et si tout ça était des phénomènes naturels nécessaires et ajustés? Les gens ont peur d'un virus par contamination, donc quand le gars va avoir perdu sa conjointe, son emploi et que le petit dernier va être pendu dans le sous-sol, ben là, le gars va réaliser que c'est pas du virus qu'il faut avoir peur, mais de sa propre vision limitée et de son incapacité à voir que les autres humains ne sont pas tous faits comme lui à l'intérieur. C'est dur, mais logique. Le contexte et la nécessité d'une évolution forcée, c'est un terrain de renouvellement plein de promesses et de menaces pour occuper la partie qui pense et s'assurer de l'effet de surprise. Le terme « mutation » ne devrait pas être apeurant, mais à bien y penser, c'est le sentiment le plus ancien et la peur de l'inconnu, doit être une des fortes formes de peur. Il est lié à l'instinct de préservation, à la peur de disparaître, d'où la terreur existentielle qui s'exprime dans l'horreur cosmique. L'homme a peur d'où il va car il ne sait pas d'où il vient. Identité expérimentale mémorielle. À mes yeux, c'est pas apeurant. 2 secondes! Et si je pouvais regarder certaines choses jeunes sans être troublé, je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas d'horreur cosmique, juste cosmétique. On pourrait même parler de mensonges comiques ou cosmétiques. Aucune horreur n'est possible sans la crainte du vide dans l'homme. Je n'ai jamais aimé la science-fiction, sauf Lovecraft, tout simplement parce qu'il comprenait le sentiment de vide qui tient au fond à la peur que la nature des choses ne soit pas intégrable. Pour un homme, ou même que le choix de force sans notre consentement, quitte à détruire ce que nous qualifions d'humain. Une intelligence froide, sans faille et sans état d'âme, va être identifiée comme noire ou sombre, alors qu'à mes yeux, tout est à l'envers car l'ego est une lentille. Les gens ont peur de la lumière et cette mécanique de se rassurer se vend bien, et le semblable parle souvent au semblable. Le simple regard des autres n'est pas un espace assez vaste pour exister confortablement. Pourtant, il y a du vide à l'infini et des lieux tellement vastes que même l'espace devient une notion de limitation et c'est tout. La peur du vide est un mauvais coach et le remplir avec du noir ou du blanc sert juste à gagner du temps. Pour ce qui est de la science-fiction, c'est le côté mise en scène selon les mécaniques de l'âme et ce que j'y vois. Par exemple, la COVID est mise en scène comme un récit de Lovecraft, donc les psychologues qui conseillent l'aspect communication sont donc réellement instruits de certaines choses qui sont très efficaces et fonctionnent à tout coup avec l'âme des masses. Chez Lovecraft, par exemple, l'action ou la menace commence toujours dans des lieux familiers comme une maison, une école, un hôpital. Ensuite, le narrateur est souvent un scientifique qui rapporte des événements. Le but, c'est que le lecteur puisse se sentir identifiable au récit par les endroits familiers et le côté narrateur-scientifique froid vient ancrer ça dans le réel par le contexte et créer la peur par identification et projection. Les personnages sont impuissants alors qu'une menace s'organise autour d'eux. Eux sont figés par l'effroi ou un trouble nerveux lié au choc du traumatisme de ce qui est observé. Les descriptions sont techniques et détaillées, sans jamais donner une vision d'ensemble. Car c'est l'inconnu qui suscite la peur et chaque détail devient un indice d'une menace sans jamais vraiment en spécifier la nature. Au contraire, plus on a de réponses et plus c'est brumeux. Donc la COVID est mise en place selon une trame technique connue, celle de la peur paranoïaque d'une menace invisible, mais ayant une réalité biologique qui fait du corps, ultime refuge, un terrain menaçant. Je vois tellement, depuis le début, des techniques de récit qui, habituellement, servent à rendre apeuré et parano en fiction. Chez Lovecraft, les protagonistes perdent la raison. Dans notre réalité, ils perdent soit leur intégrité, Arruda, etc. Donc Arruda, ici, c'est le directeur de la santé publique au Québec. Soit leur sens critique, les gens en général, quand ils en ont. En regardant de plus près, chez Lovecraft, qui est mort d'un cancer des intestins, les humains sont fragiles, mentalement et physiquement, et leur effroi vient de rencontres avec des entités ayant une matérialité aussi biologique. Des entités, donc, super puissantes, peu sophistiquées et primitives qui peuvent être comparées aux kaijus japonais qui deviennent des représentations archétypales de la mesure des forces de la nature et de l'insignifiance apparente de l'homme. En employant des termes comme force noire, bien disons que la menace pour vendre une solution est là. À mes yeux, quand un personnage de Lovecraft devient fasciné par ce type d'entité, c'est qu'il en fait partie sans le savoir comme une marionnette. La COVID est montrée comme super puissante, biologique et mécanique, forme de vie primitive. Je ne suis pas stupide. La panique était voulue ou alors nous avons affaire aux autorités les plus stupides de notre histoire et ça m'étonnerait beaucoup. On ne peut pas tout dire aux masses et une panique organisée peut être un contre-feu tactique. Je pense que nous vivons les contre-coups d'une guerre, qu'il y a une guerre en ce moment, une guerre tellement sophistiquée que personne ne semble au courant. Toutes les guerres commencent dans l'invisible et ce qui est invisible ou pas dépend de l'observateur comme de ceux qui déconstruisent le langage. Traitement de l'information à dessein. Si par besoin de dominer ou par peur, nous retombons dans des cultes des forces de la nature ou d'anges technologiques à cause de peur, en tant qu'individus, nous n'avons pas le discernement nécessaire pour voir ou traiter objectivement avec le contexte. Des surprises sont inévitables collectivement, mais envisageables pour un individu. Il doit devenir difficile d'être surpris et avoir une capacité créative instantanée, pas nécessairement pour survivre, mais pour vivre normalement dans un monde où les gens et les institutions sont déséquilibrés et instables. Voilà ce qui complète la lecture du texte de Berthold que j'ai trouvé intéressant. En fait, ce texte-là est en relation avec un échange écrit que j'ai eu avec lui dans les derniers jours. Et là, je voyais qu'il y a plusieurs passages intéressants. J'ai regroupé ça. J'ai demandé l'autorisation de diffuser ça sur le web. Il a accepté. D'ailleurs, il a revisité ça pour modifier certains éléments. Et ça a donné ça comme résultat. Donc, c'est sûr que je trouve ça intéressant. L'angle d'approche qui est utilisé dans le cadre de ce texte qu'il a écrit pour aborder la COVID-19. Donc, on peut aborder la crise sanitaire que court là, depuis près d'un an de différents angles. On peut l'aborder d'une perspective sociologique, anthropologique. On peut l'aborder sur le plan économique par rapport à ses répercussions sur le système financier d'un point de vue naturellement virologique par rapport au virus. Mais ce qui est intéressant de l'angle d'approche dans le cadre de cet écrit, c'est de l'aborder en relation avec une lecture de la science-fiction. Par rapport à Lovecraft, là, qui est un auteur là, qui a écrit des films de science-fiction de type d'horreur, en tout cas des histoires qui vont dans ce sens-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à quelque part, un individu peut être façonné par un contexte. Donc si on prend par exemple un auteur qui est façonné par un contexte qui est très anxiogène en relation, par exemple, avec la période de la guerre froide et à la Deuxième Guerre mondiale, que ça peut se répercuter dans une certaine mesure dans son œuvre. Et par la suite, L'œuvre peut être vue par des milliers de personnes. Donc, les films sont vus par beaucoup de gens, que ce soit au cinéma. Là, en période de pandémie, c'est plus difficile d'aller au cinéma, mais en temps normal ou par Internet. Et là, les gens, que ce soit consciemment ou pas, sont imprégnés par les films qu'ils voient et ça peut teinter leur manière d'appréhender la réalité ou les récits qu'ils vont faire à la population. Donc, autrement dit, l'individu peut, en tant qu'auteur, être fasciné par un contexte socioculturel, puis ensuite fasciner le contexte de la société par la suite. Donc, un individu peut être influencé, puis peut influencer le contexte. Ça peut aller dans les deux sens. Si on prend, par exemple, l'auteur de science-fiction George Lucas, qui a écrit les films de Star Wars, « La guerre des étoiles », en étant influencé par la mythologie de différents peuples, comme par exemple, si on regarde Star Wars, bon, il y a le côté lumineux, il y a le côté obscur qui peut être mis en relation avec les philosophies orientales, le yin, il y a le yang, ces choses-là. Donc, il peut y avoir différents éléments mythiques qui sont en lien avec ça. Donc, il est influencé par ça, puis par la suite, il crée une œuvre de science-fiction qui va influencer la population à un point tel que lors d'un sondage, les gens avaient déclaré en Grande-Bretagne qu'il était de la religion Jedi, qui est une religion fictive qui a été inventée là, dans le cadre de l'univers de science-fiction de Star Wars. Donc, ça va loin. Donc, un individu s'inspire de différents mythes. Donc, entre autres, le dieu là, Kronos qui va dévorer son fils. Et dans Star Wars, c'est Darth Vader là, qui veut, à un moment donné, à travers un combat, là, tuer son fils. Donc, il y a ce mythe-là. Par la suite, l'individu crée une œuvre qui influence les masses. Puis là, les masses, ils vont adhérer, par exemple, à la religion Jedi dans certains cas. Ou plus récemment, on va prendre un exemple plus proche de l'actualité. Bon, ben par rapport à qu'est-ce qui s'est passé au Myanmar, autrefois la Birmanie. Bon, ben il y a eu un changement politique important là, qui a eu cours dans les derniers jours, ce que certains décrivent comme étant un coup d'État de la part des militaires qui ont pris le pouvoir du pays en relation avec une fraude électorale. Et c'est sûr que par rapport à ça, il y a eu des manifestations, il y a des gens qui s'opposent à ça. Et il y avait, entre autres, des manifestants qui reprenaient le logo à trois doigts du Gémoqueur qui est évoqué dans la série de films de science-fiction « The Hunger Games ». Donc, les gens qui étaient admirateurs de Katniss Everdeen dans les films de science-fiction qui faisaient partie des gens qui se révoltaient contre le système, contre le Capitole, le régime en place, eh bien, avaient comme symbole, les trois doigts. Et là, il y a une manifestation où les gens reprenaient les mêmes symboles qui étaient présentés dans le cadre de la série de films science-fiction. Autrement dit, tout ça pour vous dire que, à quelque part, un individu peut être influencé par un contexte socio-culturel et influencer le monde, puis le contexte réel soit transformé par le récit de science-fiction ou la manière d'appréhender le monde ou dans le cas du coronavirus, la manière d'appréhender la menace que représente le virus. Et c'est ça qui est intéressant à faire l'étude. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments intéressants à aborder dans ce texte-là. Je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais la citation au départ que j'ai lue, je la trouvais très intéressante. Que c'est quelque chose que Bertol a écrit, puis j'ai choisi, en fait, j'ai proposé d'intégrer ça dans l'article. Il a dit « Nous vivons dans un monde de science-fiction au sens où la spiritualité, en partie fictive, vient voiler des sciences concrètes. » Et je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que les croyances spirituelles sont pas réelles, vont voiler des sciences concrètes comme l'ingénierie des masses. Donc, quelqu'un qui est naïf spirituellement puis croit que ça va bien aller parce que le premier ministre déclare que ça va bien aller puis l'économie va reprendre, etc., pour rassurer la population. Donc, c'est une forme de croyance qui est véhiculée aux masses à caractère spirituel. On va idéaliser le premier ministre ou les dirigeants ou les responsables religieux en s'imaginant qu'ils vont gouverner là, en tant que bon père de famille, puis avoir une certaine naïveté ou une idéalisation de leur rôle sur le plan spirituel, ben ça nous voile certaines réalités. Tant qu'en tant qu'homme, on est naïf, bien à ce moment-là, on peut être manipulable par nos croyances spirituelles, puis acheter un discours de population, en fait un discours qui est vendu à la population de la part des dirigeants, pour nous amener dans un agenda qui nous échappe malgré nous. Donc, et ça, c'est intéressant de faire la critique, par exemple, la notion de spiritualité. Parce que on vit dans un monde où, à quelque part, la spiritualité, c'est une forme de science-fiction parce que c'est pas une science qui est réelle. T'sais, il suffit pas de croire spirituellement que nos dirigeants sont gentils pour qu'ils le soient ou qu'ils le deviennent naturellement. Ça, c'est de la naïveté. Toute croyance spirituelle nous cache, nous voile la réalité qui se passe. C'est sûr que ça peut être un baume pour l'âme. Donc, il y a des gens peut-être qui ne sombreront pas dans la dépression ou dans des idées extrêmement anxieuses parce que ça les protège d'un réel très dur à assumer, très dur à supporter. La spiritualité. Bon, c'est sûr que je pourrais élaborer là-dessus, là, puis probablement faire un enregistrement qui durerait peut-être plusieurs minutes encore, mais je vais arrêter là. En fait, je tenais en terminant à remercier Berthold pour cet article. Et c'est sûr, comme j'y avais déjà mentionné, il est bienvenu, s'il en écrit d'autres, de me tenir au courant. J'ai fait des enregistrements audio, vidéo aussi. Donc, c'est sûr, ou même des livres. Si un jour il y a de l'intérêt pour écrire des livres sur certains sujets. Donc, moi, je suis ouvert à en faire la diffusion de par les plateformes que je dispose, que ce soit YouTube, mon blog où je peux entreposer des textes ou des livres. Par contre, c'est sûr que je me donne un droit de regard sur ce que je diffuse ou non sur mes canaux web en tenant compte de chartes éthiques auquel je dois consentir, par exemple, en diffusant des vidéos sur YouTube. Donc, sur YouTube, ben c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit des vidéos à caractère haineux, raciste, sexiste. Donc, il y a certaines normes éthiques à respecter. Et aussi, sur le plan vibratoire, bien, je dois respecter la sensibilité des gens qui vont être en contact avec le matériel qui est diffusé. Donc, ça, c'est sûr, c'est des contraintes que j'ai en tant que diffuseur, mais pour ce qui est de Berthold, le connaissant en particulier, moi, je lui fais cette proposition-là. Donc, s'il y a d'autres contenus, il est bienvenu de me tenir au courant. C'est ce qui va compléter maintenant cette capsule audio. Et je vous dis à bientôt. Bye-bye.